Sanders. Ténage de zoo. Ténage de zoo. Ténage de zoo. Ténage de zoo. Ok. Et qui sont-ils pour juger nos textes, pour les censurer? Qui sont-ils? Face au reste du monde. Qui sont-ils? Seul face à cette vie. Face à tous les Menjin, Tenjin, tous ces actes Simon. Pour aider, contribuer, continuer d'évoluer. Garder la tête froide. Face au reste du monde. Garder la tête froide. Face à tous les Menjin, Tenjin, tous ces actes Simon. Qui sont-ils? Garder la tête froide. Seul face à cette vie, face au reste du monde. Gardez la tête froide. Comme sur un ring de boxe. I know some things that you don't know. It's going to be very difficult for you to understand. Gardez la tête froide. Un sentiment de rage. Qu'ils aillent vers vous.